je ne serai jamais aussi beau que Jacques Dutronc. Aussi balèze, elle m'a dit que je ne serai jamais Francis Ponge, que je serai toujours le couturier de l'éponge. Elle m'a dit que je ne serai jamais l'ami de son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle m'a dit que quoi que je fasse, je serai toujours titeuse du bonheur. Salut la vie, regarde. Chambre qui squatte ses rêves. Elle m'a dit que je ne serai jamais le chevalier qui vient et qui l'enlève. Elle m'a dit que je ne serai jamais avec elle à ma place. Elle m'a dit que je serai toujours le lascar qui vient et qui passe. Je ne serai jamais aussi beau que Jacques Dutronc, aussi balèze. Elle m'a dit que je ne serai jamais Francis Ponge, que je serai toujours le côté vert de l'éponge. Elle m'a dit que je ne serai jamais l'ami de son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle m'a dit que quoi que je fasse, je serai toujours en vitesse. Chérie, chérie, chérie.